Fréquence Vie, la radio numéro 1 de tous vos événements chrétiens. Veillées de prière, concerts, dédicaces, promotion de livres et œuvres sociales. Auditeurs de la radio Fréquence Vie, bonjour et soyez les bienvenus à cette première tranche des infoservices au microphone Jemuel Couillot. La mise en onde est assurée par Emmanuel Yao. Voilà, on va débuter avec une campagne Jésus qui guérit. Et nous allons plus en parler avec l'évangéliste Marcel Kouassi. Bonjour. Bonjour. Soyez les bienvenus. Merci et que Dieu vous bénisse. Amen. Et merci pour le temps que vous nous donnez. Mm-hmm. D'accord. Alors aujourd'hui, on va parler, comme je l'ai dit tantôt, de la campagne Jésus qui guérit. Exactement. Mm-hmm. La campagne Jésus qui guérit, c'est une campagne organisée par l'évangéliste d'Arc du Ghana. Mm-hmm. Donc cette campagne qui commence aujourd'hui même, sur le coup de 17h30, au stade BAE de Yopougon. D'accord, voilà. Alors on dit que c'est une croisade d'évangélisation, donc toutes ces personnes qui ne connaissent pas le Seigneur peuvent venir également, les malades, même si tu as déjà fait la connaissance avec le Seigneur. Exactement, nous invitons tout le monde, y compris le peuple de Dieu. Il n'y a pas de distinction. On appelle les évangélistes comme les protestants, tout le monde doit venir. En fait, c'est une campagne qui met ensemble tout le corps du Christ. Mm-hmm. Et tous les fidèles, toutes les âmes qui seront gagnées vont aller dans les différentes églises. Parce que ce n'est pas Dieu qui vient organiser une croisade dans le but de pouvoir rassembler ses fidèles dans l'église de Dak. Non, c'est dans l'église de Dieu. Donc, toutes les églises qui sont assemblées autour de cette croisade-là verront les fidèles-là aller dans les différentes églises. Donc, nous invitons tous les malades, nous invitons toutes les personnes qui ont des difficultés, qui ont des situations qui n'arrivent pas certainement à vivre réellement, à venir à cette croisade, à cette évangélisation, et vous verrez la gloire de Dieu se manifester. Amen. Alors, vous avez dit que c'est au stade BAE de Yopougon. Exactement. On aimerait bien savoir est-ce que l'entrée elle est payante ou elle est gratuite. Ok, l'entrée est gratuite. Au stade BAE, l'entrée est gratuite. Nous invitons tout le monde. C'est aujourd'hui à partir de 17h, le mercredi à partir de 17h, le jeudi à partir de 17h30 et le vendredi à partir de 17h30. Le vendredi, c'est l'apothéose. Mm-hmm. Mais je rappelle qu'il y a deux rendez-vous spéciaux. D'accord. Le premier rendez-vous, donc, c'est la croisade. Mm-hmm. Mais il y a aussi à partir de même mercredi, sur le coup de la matinée, il y a la rencontre des leaders et des pasteurs. D'accord. Qui va se tenir à l'église Vase d'Honneur aux deux plateaux. Mm-hmm. Et donc, nous invitons tous les pasteurs et tous les leaders d'église à venir à ce moment-là où l'homme de Dieu va prendre la peine de les enseigner. Voilà, donc ça sera deux jours, donc le demain mercredi et le jeudi dans la matinée. Et après quoi, nous nous retrouvons l'après-midi, donc le soir, pour la croisade d'évangélisation. D'accord, l'orateur de ce grand moment d'évangélisation. Oui, l'orateur c'est Dag, c'est l'évangéliste Dag du Ghana, un conférencier, un auteur de plus de 72 livres qui est déjà dans nos murs pour ce grand moment d'évangélisation. Donc on va laisser les contacts. Ok, les contacts c'est le 05 12 07 12, le 05 12, le 07 12 ou le 07 81 34 12. 07 81 34 12. Merci beaucoup, évangéliste. Merci, maman, et que Dieu vous bénisse. Bonne Amen. Journée à vous. Merci beaucoup. Voilà, nous nous tournons maintenant vers notre frère Dan Alfred. Bonjour. Bonjour, servante. En tout cas, encore, sois le bienvenu. Oui, c'est moi qui vous remercie de m'avoir invité ici. Voilà, donc avec toi, on va parler de cette offre de permis de conduite. Oui, nous saluons tous nos auditeurs, nos auditrices et tous ceux qui nous font confiance jusqu'à présent, qui continuent de nous appeler. Et bon, ça ressemble un peu comme à des supplications. Est-ce que vous allez arrêter ce mois-ci? Est-ce que vous allez continuer? Bon, de toute manière, comme c'est une action sociale qui s'inscrit, bon, peut-être que désormais ça va s'inscrire dans les activités de la radio. Prions Dieu pour ça. Nous avons l'intention d'aider tout le monde parce que les temps sont difficiles et il faut toujours pouvoir nous insérer dans le tissu social et trouver le créneau le plus facile. C'est vrai, il y a les diplômes, il y a tout ça qui révèle de notre système francophone, c'est vrai, mais on a du mal à s'insérer avec nos diplômes et avec tout cela. Mais on constate que dans le tissu social, il y a plusieurs personnes qui travaillent et qui n'ont pas de diplôme scolaire, mais pourtant, ils gagnent bien leur vie. Donc, le permis de conduire rentre dans ce système-là. Avec le permis de conduire, on peut entrer dans n'importe quel domaine de la vie et gagner aussi sa vie, quels que soient les diplômes que nous avons, en attendant d'avoir une place meilleure. Alors, l'auto-école La Colombe, en partenariat avec la radio Fréquence Vie, organise cette opération de permis de conduire qui est du social à 95 000 francs pour toutes les catégories de permis. 95 000 francs, il faut s'inscrire à la radio Fréquence Vie à partir de 50 000 francs avec la photocopie de sa pièce d'identité. Et ensuite, nous appeler et nous allons vous donner comment faire pour avoir les cours. Si vous n'êtes pas autour de l'auto-école La Colombe, qui est située à Yopougon, en Anéré, à côté du supermarché Royaume des Prix. Alors, nos contacts sont le 40 42 04 03 40 42 04 03. Contactez-nous toujours, l'opération se poursuit jusqu'à nouvel ordre et nous allons vous dire comment vous faire pour avoir facilement un permis de conduire à 95 000 francs. D'accord, j'aimerais bien savoir, pour des personnes qui ont envie d'avoir ce permis, mais qui n'ont pas la totalité de la somme, est-ce qu'il y a possibilité d'avancer? Il faut appeler et puis dire ce que vous pouvez avancer, vous venez vous inscrire à la Radio Fréquence Vie. Seigneur, vous bénisse. C'est moi qui vous remercie. Voilà, la santé avant tout, nous recevons M. Pacom, bonjour. Bonjour madame. Voilà, avec vous on va parler de Acte Côte d'Ivoire. Oui, nous sommes là ce matin pour parler des verres correcteurs et l'Alliance chrétienne pour la totale émancipation et la solidarité en Côte d'Ivoire continue toujours d'aider la population ivoirienne et nous nous sommes engagés dans la mesure d'aider toute la population pour avoir les verres correcteurs à des prix sociaux. Et depuis le mois de décembre et le mois de janvier, nous faisons une promotion de 25% sur l'achat des montures et 25% sur l'achat des verres correcteurs. Je suis là ce matin pour réitérer cet appel à l'endroit de tous ceux qui nous écoutent parce que nous sommes dans la dernière semaine du mois de janvier et ceux qui jusque-là, pour des raisons financières ou bien pour des raisons que j'ignore, n'ont pas encore fait le pas dans nos cabinets, je les exhorte à bien vouloir s'adresser à tous nos cabinets pour bénéficier de ces prix sociaux. Une réduction de 25% sur la monture, une réduction de 25% sur les verres correcteurs. Je précise que nous sommes ouverts du lundi au vendredi, de 8h à 17h pour nos activités et pour les samedis, de 8h à 12h. Je conseille à tous ceux qui souhaiteraient faire le contrôle de vue dans notre structure de venir de préférence dans la matinée parce que la plupart des praticiens arrêtent au plus tard 14h, 15h. Et l'œil est un organe très sensible. Ne confiez pas vos yeux à ceux qui ne sont pas dotés d'aptitude nécessaire pour toucher l'œil parce que l'œil est très sensible. On peut remplacer les autres organes, mais il est difficile de remplacer l'œil. Et c'est pourquoi je te conseille, toi qui m'écoutes, de venir à Acte Côte d'Ivoire où des spécialistes sont prêts à t'accompagner, non seulement pour te permettre d'avoir des verres correcteurs appropriés à l'état de tes yeux, mais aussi te donner des conseils pratiques pour l'entretien de ces verres que tu auras. À Acte Côte d'Ivoire, tu n'es pas obligé de payer tout sur le champ. Tu donnes une partie, la moitié. Nous faisons les verres et au retrait, tu viens verser le reste. Même si au retrait, tu n'as pas l'intégrité, tu peux payer par échéance. Dès qu'on va laisser les contacts et puis la situation géographique. Oui, nous sommes dans deux communes. Cocody Cité des Arts, entre les corps de gendarmerie et l'INSAT. Et une fois vous êtes dans le périmètre de la radio fréquence vie, vous pouvez nous appeler 01 04 50 17 01 04 50 17 ou au 79 14 31 47. 79 14 31 47. À Yopougon, Kenya, nous sommes précisément en face du bureau de la CIE et nous partageons le même email à la Banque Bénin. Nous sommes au troisième étage. Vous pouvez nous joindre au 01 04 50 16 01 04 50 16 ou au 79 14 31 48. 79 14 31 48. N'oubliez pas, la promotion, il ne reste que 5 jours. Viens bénéficier de cette promotion. Une promotion de 25% sur les montures et de 25% sur les verres. Que Dieu nous garde bonne santé des yeux à tous et à toutes. Merci beaucoup, le Seigneur vous bénisse également. Voilà, nous recevons maintenant l'évangéliste Michel Seri. Bonjour. Bonjour, bien-aimé. Voilà, avec vous, nous allons parler de ce grand programme qui se tient tous les mardis et mercredis, organisé par la MIRES, qui est Midi de Feu. Midi de Feu. Voilà, oui, un moment vraiment très important et intéressant. Oui, ce moment est important en ce sens qu'il nous aide à repartir au travail de plus belle. Avant d'aller dans les plus amples détails, je voudrais saluer tous les fidèles auditeurs de la Radio de la Vie et leur transmettre le bonjour du pasteur Moncou, qui est le pasteur principal de la MIRES. Alors, il s'agit des midis de feu. Vous savez, c'est un temps de prière qui commence de midi jusqu'à 14h, qui rassemble tous ceux qui ont un bout de temps et qui sont dans les environs, qui peuvent nous rejoindre à ces 2 heures de prière, ces 2 heures d'enseignement, ces 2 heures d'édification, ces 2 heures de restauration, ces 2 heures de prière pour que vraiment le boulot en quoi soit beaucoup plus béni. Voilà. Donc, au lieu de passer ce temps-là à bavarder de tout et de rien, je crois que c'est mieux de passer 2 heures dans la présence du Seigneur. D'accord. Et qui sont ces personnes qui peuvent venir participer à ce programme? Forcément des travailleurs ou ceux bon, qui sont à la maison? Bon, je l'ai dit tantôt, tous ceux qui ont un bout de temps entre midi et deux. Voilà. Tous ceux qui ont un bout de temps entre midi et deux. Même si tu n'as pas le travail, que tu t'es retrouvé dans le secteur et que tu peux nous rejoindre, nous sommes là. D'accord, on va parler un peu de la situation géographique. Ben, nous sommes à Cocody-Deux Plateaux, en face du restaurant BMW, dans le quartier de l'église catholique Saint-Jacques. Nous sommes collés à cette grande église-là. D'accord, il faut dire que c'est vous l'orateur. Nous sommes deux, je suis l'un des orateurs, avec le pasteur Narcisse Wally, sous la couverture bien sûr du pasteur Moncou. Et le thème que je vais développer tout à l'heure, sur le coup de midi, c'est « Le Seigneur en a besoin ». Un thème vraiment intéressant. Alors, on va laisser les contacts. Ben, nous sommes au 05 01 56 42, 05 01 56 42, ou le 01 54 83 80. Bien-aimé, tu dois comprendre que si tu es encore au nombre des vivants, c'est parce que le Seigneur a encore besoin de toi. Pourquoi? Il faut que tu le saches. C'est très important. Voilà. Merci beaucoup, évangéliste. Le Seigneur rebénisse. Merci, à tout à l'heure. Formation en langue étrangère. Nous en parlons avec M. Kofi. Bonjour. Alors, bonjour à vous. Voilà, soyez les bienvenus. Merci beaucoup. Plaisir pour nous de vous recevoir ce matin. Moi également. Voilà, bref, on va parler de cette grande formation en langue étrangère qui est vraiment très intéressante. Bien sûr. D'abord, avant tout propos, j'aimerais me présenter. D'accord. Je suis M. Boku Kofi Patrick et je suis traducteur-interprète de formation. Et ce matin, nous sommes là pour parler exactement de formation. D'accord. Et ici, on voit langue étrangère. Est-ce qu'il y a l'allemand, l'anglais, l'espagnol, un peu de tout? Bien évidemment. Alors, lorsque nous parlons de formation, on parle plus précisément de la formation en langue étrangère, c'est-à-dire toutes les langues. Toutes les langues. L'anglais, l'espagnol, l'allemand. Même les langues africaines. Bien évidemment. Non, pas les langues africaines, mais que les langues étrangères. D'accord. C'est pour ça que nous avons précisé. Donc, en tenant par langue étrangère, l'anglais, l'allemand, l'espagnol, le portugais et même le chinois, plus précisément le mandarin. D'accord, c'est très important. Et puis, où se situe le lieu de formation? Alors, nous sommes situés à Trècheville, en face du collège catholique Seigneur Bosco. Nous sommes au premier étage, porte 4. D'accord, premier étage, porte 4. Déjà, il faut dire que nos formations s'adressent à tout le monde. Si vous êtes élève, étudiant, travailleur, et même les entreprises. Alors, donc, lorsque vous venez pour vous inscrire, c'est le cabinet qui vous offre gratuitement tout le matériel didactique de formation. D'accord. Voilà. Et le coût s'élève à combien? Bon, pour le coût, c'est préférable de nous consulter. Voilà. D'accord. Parce que, je veux dire, avant de commencer la formation, nous faisons d'abord un test de niveau qui nous permet de pouvoir savoir le niveau que vous avez et également de pouvoir mieux répondre à votre formation, de telle sorte qu'à la fin de la formation, nous allons également vous rendre opérationnel pour utiliser l'anglais comme outil de travail. D'accord, donc il y a possibilité de réduire le coût de la formation. Bien sûr. Nous faisons vraiment un tarif social et qui est également étudié pour permettre à tout le monde d'avoir accès aux formations en langue étrangère. D'accord, il faut dire que c'est une première session. Bien sûr. Alors, la première session, elle concerne une nouvelle page que nous avons initiée, c'est-à-dire la formation en langue étrangère, précisément l'anglais, pour tous les hommes de Dieu. Alors, vous convenez avec moi que le Seigneur nous encourage à faire de toutes les nations des disciples. Alors, comment pouvons-nous toucher des personnes qui ne comprennent pas l'allemand, on a des personnes qui parlent espagnol, et la communication est très difficile. Donc, c'est dans le but de pouvoir briser cette barrière linguistique. Et également, en tant que pasteur, en tant que responsable d'église, Dieu veut vous envoyer en mission, Dieu veut étendre vos limites, étendre votre champ de mission. Mais souvent, on a remarqué que l'anglais est un problème. Alors donc, dans ce but-là, nous avons initié la première session de formation en langue étrangère, précisément l'anglais, qui est adressée à l'endroit de tous les responsables d'église. La première session, comme nous avons signifié, commence dès le mois de février. La formation durera 3 mois. Oui. Et en plus de la formation que nous effectuons, nous effectuons également des traductions. Est-ce qu'il y a des diplômes à obtenir? Bien évidemment, j'en viens à ça. Donc nous faisons des traductions de documents, tout type de documents que vous avez. Alors il faut également que nous sommes agréés par l'État de Côte d'Ivoire. Alors donc à la fin de la formation, bien sûr, nous vous délivrons un diplôme également. Ah, c'est vraiment intéressant. On va laisser les contacts pour d'autres formations. Bien évidemment. Alors, Blessing Language and Student Services, vous pouvez nous contacter au numéro suivant, le 59 74 10 94 et également le 02 04 38 39. Je reprends, le 59 74 10 94, le 02 04 38 39. D'accord, merci Monsieur Kofi. Merci que le Seigneur vous bénisse. Merci beaucoup à vous. La mission évangélique Montagne Délivrance organise un grand moment dénommé Péniel et nous en parlons avec l'évangéliste Georgette. Bonjour. Bonjour. Soyez la bienvenue. Merci. Alors, pourquoi déjà ce moment est-il appelé Péniel? Bon, Péniel, c'est un temps de combat spirituel qu'a expérimenté le serviteur de Dieu Jacob dans la Bible. En Genèse 32, le verset 24 au verset 30. Mm-hmm. C'est ce temps-là que l'homme de Dieu, l'apôtre Olakole Aregbesola, a vraiment mis en place pour permettre à tous les enfants de Dieu que nous sommes de venir nous exprimer dans ce temps de combat spirituel. Mm-hmm. Voilà. Et donc, ça se poursuit tous les mois. Donc, je dis déjà que c'est un programme mensuel. Tu sais pourquoi je suis là pour parler déjà pour l'édition de février. Alors, donc, ça va se dérouler le mercredi 5 à partir de 22h jusqu'à 4h du matin, le mercredi 5 février jusqu'à au vendredi 7 février. D'accord. Avec le thème « L'Éternel Dieu ». L'Éternel Dieu. Genèse 2, le verset 7. Pourquoi l'Éternel Dieu? Pourquoi l'Éternel Dieu? Je me réjouis de ce thème parce qu'aujourd'hui, les enfants de Dieu que nous sommes, les chrétiens que nous sommes, nous rejetons catégoriquement ou bien nous ignorons la connaissance même de Dieu, qui est notre Dieu que nous servons. Et ce qui fait que face aux petites choses, nous perdons la foi, le courage, on se laisse secouer, branler, et puis les choses prennent le dessus sur nous et on dit non que Dieu n'est plus Dieu. Non, il est toujours le même, il est l'Éternel Dieu. C'est ce Dieu-là que nous voulons révéler, que nous voulons mettre dans le cœur des enfants de Dieu que nous sommes pour qu'en cette année 2020, quelqu'un ne soit pas effrayé, quelqu'un ne soit pas intimidé par tous les vents qui souffrent. Donc nous sommes là, ça va se dérouler le mercredi 5 à la mission évangélique Montagne de Délivrance avec l'apôtre Ola, le jeudi également et le vendredi à la même heure de 22h à 4h du matin. Alors D'accord. Donc vous allez simplement nous appeler au 21 26 98 51 21 26 98 51 et au 07 32 94 18 07 32 94 18. Bien-aimé, tu as entendu ma voix. Tu as entendu ma voix. Je suis venu t'exciter. Ne laisse pas une partie de toi. Viens avec la totalité de ce que tu es, ta foi, ta détermination, et viens simplement participer à cette plateforme de combat spirituel. Mm-hmm. Et nous aurons la victoire. Amen. Merci beaucoup, évangéliste. Le Seigneur vous bénisse.